Divers pays ont rapporté du 29 au 31 août que le maréchal Kim Jong-un a participé à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung et a prononcé le discours ayant valeur de programme, et que la soirée au flambeau des jeunes avant-gardes consacrée à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung a eu lieu en présence du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse Prensa Latina de Cuba, le journal vietnamien Nhân Dân, le journal laotien Vientiane Times, l'UPI des États-Unis, les homepages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme, kim-jong-ilisme et du Comité national d'études des Ejiduce du Congo démocratique ont fait part de sa participation à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse et de son discours. Les agences de presse TASS et LIA Novosti, la NTV, les télévisions chaîne numéro 1, 24 et Centre de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, l'agence de presse d'Internet Irshad de Mauritanie et le homepage d'Internet de l'association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée y ont ajouté la soirée au flambeau des jeunes avant-gardes consacrée à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, déroulée solennellement en présence du maréchal Kim Jong-un. La paix des États-Unis, le journal Philippine Star et la télévision de Guinée équatoriale ont annoncé la nouvelle de la soirée au flambeau des jeunes avant-gardes. Les mass-médias ont présenté les photos du maréchal coréen.